Vélo. Oui, oui. Oui, elle va participer à l'émission pas, aussi. Pas du tout. Comment pas du tout? Elle va nous donner à manger. Comment pas du tout? Elle a des bonnes choses à manger. Et cette jeune fille-là, elle va pas participer non plus? Mais enfin, pourquoi on fait des exclusions comme ça? Je trouve ça pas normal. En fait, Nicole, t'es pas au courant du tout ce qu'on va faire. Non, pas du tout. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je ne suis jamais le programme de la Pinothèque. Je l'écoute au moment où je suis là. Alors, donc, je te parle de la troisième jeune fille. Ah non, la troisième jeune fille, elle est pas là. Troisième jeune fille. Ah oui, la troisième jeune fille là-bas. Et non plus, il va pas intervenir. Tu sais pas. Je sais pas. Ah non, je passe. Ok. Non, je passe qu'on l'encule, c'est ça. Nicole, qu'est-ce que t'as vu ce soir? Ok, bon, écoutez, voilà. Alors donc, nos amis de la distro La Pinothèque sont ici. Nous avons Thierry. Bonsoir Thierry. Et nous avons notre ami Nico. Bonsoir Nico. T'es un peu muet ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il a abasourdi, je pense. Il répond pas à ce que je dis. Ok, Nico, je te donne la parole, parce que bon, on va me dire que je prends trop la parole. Voilà. Eh bien donc, vous êtes bien sur Tranche d'Anard, si vous ne l'avez pas encore compris. Radio Air Libre 87.7, où comme tous les derniers mercredis du mois, la Lapinothèque vient squatter les ondes. La Lapinothèque, c'est une table itinérante qui diffuse des livres, brochures, fanzines, tracts, vinyles, bombes de peinture et autres futilités subversives ou pas. Et ce soir, nous vous présentons quelques textes que vous pouvez retrouver sur la table, le tout rythmé par une sélection de musique. Alors, détendez-vous, c'est parti. Il le prend pas, c'est pas grave, on va passer directement à la suite alors, et on continue. Donc c'était Napalm Death, Your Achievement. Ce soir, vous pouvez aussi découvrir dans notre émission une nouvelle noire auto-éditée, que les cadeaux sous le sapin ne sont pas fabriqués par les lutins du Père Noël dans la joie et la bonne humeur, une présentation de la revue Avis de Tempête de novembre 2019 sur le Chili, et un extrait du livre Beau comme une prison qui brûle. Et peut-être qu'on va avoir le deuxième morceau de musique. Elle a trouvé dans une poubelle une poupée cassée pour Noël. Plus loin dans la décharge publique, elle se croyait à des uniques. Elle choisissait pour ses enfants des jouets ventrés jusqu'aux dents. Et puis elle les rentrée chez elle dans son lequel chapeau de miel. Mais Voilà, donc je vais vous lire un texte qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Karl Vogt, qui fut naturaliste et homme politique allemand, qui avait obtenu son diplôme de médecine à Berne en 1839 et qui exerça à Neuchâtel avant d'entreprendre de nouvelles études à la Sorbonne, puis à Nice. Pendant son séjour en France, il lia connaissance avec Proudhon, Herzen et Bakounine, à qui son frère Adolphe Vogt vouait une grande estime. Devenu professeur à l'université de Giessen, sa ville de naissance, Karl Vogt fut élu au Parlement de Francfort en 1848. Son activisme politique l'obligea à se réfugier à Genève après la Révolution pour échapper à de sérieux ennuis. Il enseigna la géologie et la paléontologie. Et alors, ce Karl Vogt a écrit un texte sur Bakounine quand ils ont fait une escapade à Saint-Malo en septembre 1845. Et c'est un extrait d'un livre de Arthur Lenning qui s'appelle « Michel Bakounine et les autres, esquisses et portraits contemporains d'un révolutionnaire ». Et donc ce texte, j'avais envie de vous le lire parce que c'est une vision de Bakounine que pas beaucoup de gens connaissent peut-être. Voilà, donc Saint-Malo, septembre 1845, 2 septembre. L'ami Bakounine nous a également suivis ici. Et le matin, au petit-déjeuner, il se livre à 1000 prouesses aux dépens des crevettes pour lesquelles il a une prédilection particulière. Il nous arriva hier, tout essoufflé, et nous apprit qu'il avait, en se baignant, capturé un animal extrêmement curieux, ayant à peu près la forme d'un crocodile, mais pourvu de très longues cornes, lui sortant de la tête et dont il se sert pour se déplacer de façon fort singulière. Nous devions, exigea-t-il, pensez à donner immédiatement un nom à cette nouvelle espèce et la lui dédier. Après avoir longuement décrit les particularités extraordinaires que semblait posséder cet animal, il se décida à aller le chercher dans son logement, où il l'avait conservé dans un récipient rempli d'eau. Quel fou rire nous saisit lorsqu'il nous apporta une crevette vivante. Ce n'est qu'après avoir jeté le petit crustacé dans l'eau bouillante qu'il reconnut la justesse de notre diagnostic et il mangea son crocodile en miniature de fort bon appétit. Notre ami Bakounine s'intéresse aussi beaucoup au Bernard l'ermite qu'on trouve par centaines dans chaque crique. Dans sa chambre, il a installé dans quelques bassines toute une collection de coquillages de différentes espèces, tous habités par ces mollusques parasites. Et il étudie maintenant avec passion les mœurs et habitudes de ces curieuses créatures qui se trouvent aussi à l'aise dans leurs coquillages d'emprunt et que d'autres escargots dans le logis qui est leur œuvre. Il en a conclu que le communisme trouve une entière justification dans l'ordre naturel des choses, que les hommes, dont les aptitudes présenteraient quelque analogie avec celles des Bernard l'ermite, ont parfaitement le droit de prétendre aux maisons des autres comme si elles étaient les leurs. Un des traits essentiels du caractère de l'homme est précisément cette envie qui le pousse à désirer posséder ce qui appartient déjà à d'autres. Et à cause de cela, il nous fait reconnaître que le communisme doit être réclamé comme indispensable pour la race humaine, prise dans son ensemble. Mais pour en revenir au Bernard l'ermite, on ne pourrait vraiment pas exiger que des créatures ayant comme eux un abdomen aussi mou puissent s'exposer sans le protéger au péril de la mer. Cette obligation leur donne le droit de dérober aux coquillages leur carapace et de s'y installer. Toutefois, je ne dois pas oublier de dire que les études psychologiques de Bakounine sur les Bernard l'ermite ont établi que ces messieurs quittent la nuit leur logement et vont faire un tour à l'extérieur en toute liberté. Avant-hier, il est arrivé une bien désagréable aventure à quelques-uns de ces promeneurs nocturnes. Tandis qu'ils étaient absents de leur logis, quelques camarades plus jeunes s'étaient installés à pas feutrés dans les coquilles abandonnées plus spacieuses. Et lorsque les propriétaires voulurent les réoccuper au lever du jour, les usurpateurs se défendirent si vaillamment contre les possesseurs légitimes que les assiégeants durent se retirer bredouille. Durant la nuit, Bakounine avait entendu un horrible vacarme dans le bassin et au matin, il trouva les deux expulsés qui campaient tout nus devant les logements qu'on leur avait laissés, mais qui étaient bien trop étroits pour qu'ils puissent s'y installer. Bakounine m'assura que les malheureux, tournant vers lui leurs yeux verts foncés, l'avaient regardé d'un air mélancolique et qu'il avait été sur le point à plusieurs reprises de leur faire réintégrer les anciennes coquilles dont ils étaient les légitimes propriétaires. Mais d'autre part, il lui vient quelques doutes, bien fondés semble-t-il, sur les prétendus droits des expulsés, et il se conduisit tout à fait comme Louis-Philippe et Metternich. Il considéra l'affaire comme un fait accompli et maintint le statu quo. Les expulsés prirent alors leur mésaventure tellement à cœur qu'ils rendirent l'âme le même jour, ce qui soulagea d'un grand poids Bakounine qui n'eut plus à s'occuper de leurs droits légitimes. Le 23 septembre, on célèbre aujourd'hui je ne sais quelle fête catholique et les cloches n'arrêtent pas de sonner. C'est une magnifique journée ensoleillée et la mer est unie comme un miroir. L'ami Bakounine, qui est devenu depuis quelques jours un pêcheur enragé, rentre tout surpris de son excursion et nous affirme que la nature, elle aussi, est jointe au christianisme. C'est dimanche aujourd'hui aussi pour la mer et elle s'amuse à faire carillonner allègrement ses cloches. Il avait vu, dit-il, en allant au Grand Bé, une infinité de cloches aux couleurs splendides et chatoyantes qui montaient sans cesse du fond de la mer vers la surface comme des bulles de savon. Il avait voulu prendre dans ses mains quelques-unes de ces cloches, mais elles lui avaient glissé entre les doigts comme de la gélatine. Et maintenant, il ressent aux mains des brûlures comme s'il avait saisi des orties. Nous devinons aussitôt qu'il a rencontré un essaim de méduses, et comme nous n'avons pas encore eu l'occasion d'observer ces animaux, nous nous munissons d'assez grands récipients et nous courons à la plage où nous espérons trouver quelques spécimens rejetés par la mer. Notre attente n'est pas déçue et après de rapides recherches, nous rentrons à la maison avec un riche butin. Voilà. Ben pour saccager cette magnifique lecture de Nicole, on va s'écouter un petit morceau de Désobédience à Civil, un groupe anarcho-punk. C'est parti. Madres y familiares de medio desaparecidos, Carmelo y Aznar del Cerro Rodríguez. La Internacional Arco-Pun con gran presencia aquí. Tenemos muchos muertos, pero no han podido matar al punk y acabar al anarquismo. Los luchadores mueren, pero las vidas terminan. Jóvenes conscientes que practican anarquía y que muestran sin miedo su coraje y rebeldía. Los anarquistas están en la ciudad, anarco-punk buscando la igualdad. Los anarquistas están en la ciudad, anarco-punk sembrando libertad. Nuestros espíritus serán siempre indomables y eso burgueses, ustedes bien lo saben. Podrán torturarnos, reprimirnos de anarquía, pero nuestros sueños seguirán siempre con vida. Los anarquistas están en la ciudad, anarco-punk buscando la igualdad. Los anarquistas están en la ciudad, anarco-punk sembrando libertad. No solo sembrando, también resistiendo. No solo resistiendo, también luchando. Luchando y atacando al jodido Estado, a sus instituciones y sus leyes y el anarco. Los anarquistas están en la ciudad, anarco-punk buscando la igualdad. Los anarquistas están en la ciudad, anarco-punk sembrando libertad. Patria, religión, escuela, familia, cárceles, ejércitos, leyes, policía. Estas son las armas para condicionarte, pero nuestras mentes serán siempre inalcanzables. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-punk buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-punk sembrando libertad. ¡Ya! Onda Roja. Onda Roja, c'est une micro-mini-nouvelle noire qui a été écrite par quelqu'un de la Distro Lapinothèque en Argentine en novembre 2006. Je vous fais une petite lecture et elle sera disponible à la Distro Lapinothèque. Onda Roja. Ça faisait depuis 7 heures du matin qu'Emilio suait dans cet atelier. Il était plein de graisse. Il avait mal au dos, il faisait trop chaud. plus de 40 degrés pendant presque toute la journée. Et surtout, il voulait se barrer. Il était 19h37. Dans 23 minutes, c'était fini. Tout au moins pour aujourd'hui. À l'autre bout de l'atelier, son patron lui crie qu'il doit absolument terminer la portière de la Peugeot 306 pour demain matin sans faute. « Putain, fais chier. J'aurais jamais terminé pour 20h », se dit-il. Vers 20h42, il sort enfin. Il met les gaz avec sa petite mobilette merdique et qui fait le son d'un avion à moteur enroué. Il doit aller chercher la camionnette et les autres doivent l'attendre depuis un temps pour les dernières mises au point. Sans oublier le fait qu'il doit prendre une bonne douche et manger quelque chose de rapide, pas cher et bien gras. Minuit et 3 minutes passées. Radio Onda Roja. L'actualité du jour. Après avoir subi une nouvelle provocation, les ouvriers de l'usine Zanon ont adressé un communiqué appelant à venir défendre une nouvelle fois l'usine contre les provocations du Lumpen Milice payé par les propriétaires de la fabrique. Plus de détails dans un instant. Aujourd'hui, le projet de loi régissant les ondes radio dans la capitale fédérale a été adopté. Cette loi stipule l'interdiction formelle d'une série de radios non conventionnelles. Développement dans la suite de cette édition. Il est 1h37 et la Citroën Jumper, nouvellement repeinte en bleu foncé, roule à cadence modérée dans le quartier dell'Once. Emilio, après un tournant bien maîtrisé, s'allume une cigarette. Il jette un coup d'œil dans le rétro et il s'aperçoit qu'un véhicule de police s'approche lentement sur son flanc gauche. Un peu surpris de lui-même, il ralentit. Les policiers lui demandent de se ranger sur le côté. Il acquiesce de la tête, attend 7 quarts de seconde que le véhicule de la police ralentisse pour pousser sur l'accélérateur à fond. Crissement de pneus, montée d'adrénaline, instinct de survie. La camionnette s'engouffre à toute allure dans une petite rue tortueuse. La voiture de police la prend en chasse, le bruit strident du gyrophare explose en plein volume et les flics lancent un appel de renfort. La petite fenêtre centrale qui sépare l'avant du véhicule de l'arrière, réaménagée en mini-studio de radio, s'ouvre. Alejandra, cheveux mi-courts, brun foncé, visage dangereux, demande ce qu'il se passe. Emilio lui répond brièvement qu'ils sont poursuivis par une voiture de police. Et injonctive à Alexandra qu'elle appelle les copains en renfort. Fabrizio doit être rapidement disponible. La petite fenêtre se referme. Alejandra invective le message qu'Emilio et Sébastien et tente de se diriger vers la vitre teintée du fond. Mais se cogne contre la paroi tant le véhicule bouge dans tous les sens. Du côté de la police, Sergio, le coéquipier du conducteur, sort son Glock 19 et tire rapidement deux coups vers les pneus de la Citroën Jumper. Il rate sa cible. Dans un juron incompréhensible, il espère pouvoir terminer son service à l'heure. Il en a ras la patate et voudrait bien rentrer chez lui. Emilio est persuadé que la police a reconnu le véhicule. La camionnette avait été volée 3 semaines auparavant à une chaîne de télévision importante. Il était pris par la stupeur et il poussait sur l'accélérateur comme un effréné. Dans l'arrière de la camionnette, après les 2 coups de feu, la tension monte d'un cran. Alejandra, qui est juste derrière la vitre teintée, regarde le flic qui les colle au cul et sort de sa poche un P38. Elle retire la sûreté et le serre contre elle. Sébastien est toujours occupé à attendre son interlocuteur au téléphone portable. Laura a mis une bande passante et commence à avoir la gorge qui se serre de plus en plus. Los caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Deux virages extrêmes, une petite distance sépare toujours les deux véhicules. Une panique mortuaire commence à couler dans les veines d'Emilio, qui gère les manœuvres de plus en plus violemment. De l'autre côté, Alejandra s'apprête à ouvrir une porte arrière, une des portes arrière. Elle serre les dents et récite dans sa tête que les policiers n'ont eu aucun scrupule quand ils ont tué sur Diego et Maxi. Elle ouvre la porte, lâche la poignée, et avec son P38, elle tire trois coups de feu en direction des policiers. 17 quarts de seconde plus tard, la voiture des flics se mange une série de voitures sur sa droite. La camionnette met les gaz et disparaît dans la nuit rouge de sang étatisée à outrance. Les neurones d'Emilio se permettent une légère relaxation. Quand ils visualisent soudain qu'ils vont devoir très vite camoufler le véhicule, ils pensent au garage de son patron. Mais il faudra repeindre la bête hors des heures d'ouverture. Ce qui veut dire s'arranger une nouvelle fois avec son boss pour avoir les clés du garage sans attirer l'attention. Du coup, la récréation des neurones d'Emilio est interrompue par les gyrophares qui en 0,2 centième de seconde se retrouvent plongés dans la suite de cette chasse à l'homme infernale. Sur sa droite et loin devant lui, le signal bleu policier lui suggère vivement de prendre le virage à droite, où il cogne la moitié d'un phare d'une voiture stationnée. De l'autre côté de la paroi, Sébastien, aux cheveux châtains clairs crôlés, a pu contacter Fabrizio. Motard d'excellence, la poursuite, c'est sa spécialité. Survivant difficile des années 70-80, il sait s'en tirer de ce genre d'affaires. Il a reçu les indications d'où étaient les autres. Il devait les rejoindre d'ici peu. L'orage aux cheveux mi-longs, noirs, reflets pourpres, la grande technicienne des ondes est occupée à préparer une programmation d'enfer. Que du bon, ça l'excitait sexuellement, c'était politiquement correct dans sa vision de l'orgasme. Voilà, la nouvelle continue encore un peu quelques pages, mais je vous laisse le plaisir de découvrir ça. Donc à la Lépinothèque, elle est disponible gratuitement. Onda Roja, écrit en Argentine en novembre 2006 par quelqu'un de la Lapinothèque. Petite nouvelle de quelques pages. Et voilà, et donc ça parle un peu des radios pirates et tout ça pour rappeler un bon moment de radio. Il y a déjà une vingtaine d'années sur Radio Air Libre, une émission qui s'appelait No Pasaran, émission antifasciste, anarchiste de l'époque où, je faisais l'animateur radio. Et du coup, on va s'écouter pour se fêter ça, comme disait Cham, l'animateur de l'époque. Pour se fêter ça, on va s'écouter Les Cadavres avec le titre No Pasaran, qui était l'indicatif de l'émission No Pasaran. C'est parti. We'll be right back. Et voilà, c'était les cadavres, No Pasaran. Et pour continuer à se fêter ça, on va s'écouter les Binamés. Les Binamés qui jouent et qui jouaient et qui jouent peut-être encore ce soir à la Z de Arlon. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez prendre vos bottes, vos huîtres et votre petite bouteille. Ou vos... Et la bouée de secours aussi, suggéré Benoît. vos caras, pils, machin, et un bon manteau. Peut-être qu'ils jouent encore. Mais donc voilà, les René Binamés à la ZAD de Arlon qui tient toujours bon. Et on va s'écouter une petite chanson de Noël, de circonstances. Et pour se fêter ça, les René Binamés. Je suis le vieux Père Noël, bienfaiteur de l'humanité. Contre sa bile, je m'insurge avec mon pote Saint-Nicolas. J'ai tout ce qu'il faut dans ma hotte, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infâmeurs de l'univers. Son mal vient des capitalistes, plus ou moins grands à la ronger. En avant les gars anarchistes, fils de marin, faut la purger. J'ai du pétrole et de l'essence pour balichonner les châteaux. Des torches pour la circonstance à mettre en mise le flambeau. J'ai du picrate de potasse, tout souffrait du chlore en tonneau. Pour assainir partout où passent les empoisonneurs de cerveau. J'ai des pavés et de la poudre, de la dynamite à poison. Qui rivalisent avec la poudre pour débarbouiller l'horizon. J'ai poudre verte et mes limites, tous les fameux produits mes enfants, pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. J'ai pour les gavés de la table, la bombe placée à servir, plus d'un ballon dirigeable par les poids pour les rafraîchir. Voleuses et traîtres, bourgeoisie, prêtres et bandits, couronnés, il faut que d'Europe en Asie vous soyez tous assaisonnés. J'ai tout ce qu'il faut dans ma route, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infâmeurs de l'univers. Un peu de casser cette ambiance de Noël festive et joyeuse qui me donne envie de gerber. Je vais un peu plomber l'ambiance en vous parlant d'où viennent toutes les marchandises que vous retrouvez sous le sapin, en vous présentant un livre qui s'appelle « Avis aux consommateurs, Chine, des ouvrières migrantes parlent ». C'est un livre qui a été publié en 2011 aux éditions L'Insomniac. Il est constitué de témoignages d'ouvrières migrantes qui quittent leur campagne pour se rendre dans les zones économiques spéciales. Ces zones franches créées par le gouvernement chinois dans les années 80 pour attirer les investisseurs étrangers. Ces témoignages ont été recueillis par Pun Nai, professeure à l'université de Hong Kong et animatrice de l'entraide des ouvrières, petite ONG basée à Shenzhen, qui vient en aide aux migrantes. Extrait de la préface écrite par Si Xuan Wu. Excusez-moi pour l'accent. En arrivant dans les de Shenzhen, voisine de l'ancienne colonie britannique de Hong Kong, repassée sous la souveraineté de Pékin en 1997, les jeunes paysannes venues travailler à la ville pour gagner de l'argent découvrent la réalité du salariat moderne chinois. La confiscation des papiers d'identité, le versement patron d'une caution équivalent à un ou deux mois de salaire, qu'on récupère en principe en partant, mais à condition que la direction de l'usine accepte ce départ. Les salaires ridiculement bas, une centaine d'euros par mois, payés parfois avec des mois de retard. La dureté du travail, les heures supplémentaires extensibles à l'infini et parfois non payées. Les conditions de travail sont souvent déplorables. Machines obsolètes, mal entretenues et donc dangereuses. Produits toxiques causant des empoisonnements et des maladies professionnelles de toutes sortes. Absence d'équipement de protection et de formation adéquate. Absence de protection sociale en cas d'accident et de maladie. Absence d'indemnité de licenciement ou d'allocation de retraite. Les filles qui viennent travailler à Shenzhen doivent aussi se plier à la militarisation du monde industriel chinois. Obligation du port de l'uniforme, récitation de slogans productivistes à l'appel du matin. sous la férule de dirigeants cyniques et despotiques. Elles sont soumises à la discipline très stricte qui règne dans les ateliers et aux vexations des vigiles brutaux aux portes des usines. Elles sont enfermées dans des logements collectifs attenant à l'usine, où elles sont entassées à 10 ou 15 par chambrée. Il leur est interdit de franchir les portes de l'entreprise en dehors des heures proscrites. Par leur méthode de gestion de la main-d'œuvre, les nouveaux patrons chinois se montrent les dignes héritiers des bureaucrates de l'ère maoïste. Pourtant, sur les sites de production où travaillent et habitent les femmes, dont nous lirons les témoignages, l'addition de ces conditions fait de ces usines de bagne, évoquant les sinistres fabriques et autres workhouses des débuts de la révolution industrielle. Pourtant, après être rentrés au pays avec un petit pécule en poche, beaucoup décident bientôt de repartir travailler à la ville. Qu'est-ce qui les pousse à y retourner et à se faire ainsi maltraiter ? Les raisons sont nombreuses. La condition de la femme dans les campagnes est violente. L'autorité patriarcale et le poids de la tradition restent très lourds. On voit encore des femmes enlevées et vendues pour être mariées contre leur gré. Cette situation s'est même brusquement aggravée avec l'usage criminel de l'échographie qui permet d'éliminer les filles avant la naissance et provoque une pénurie de femmes qui se chiffre déjà en dizaines de millions. Le départ de la campagne a donc représenté pour beaucoup un affranchissement de la tutelle familiale souvent écrasante. Aussi pénibles que soient les conditions de travail et le logement en ville, elles offrent une liberté précieuse par rapport à la vie rurale. Beaucoup de filles disent vouloir partir pour s'amuser, c'est-à-dire découvrir le vaste monde, élargir leur horizon, faire des expériences nouvelles. Qu'on décide, au bout de quelques années, de rentrer au pays ou de s'installer en ville, la gigantesque migration des paysans chinois vers les bagnes industrielles de la côte a provoqué en 30 ans un formidable bouleversement de la société chinoise, dont il est difficile de prévoir sur quoi il va déboucher. On note déjà que les migrants commencent à se rebiffer. Chacun a présent à l'esprit les deux grandes grèves chez Honda et Foxconn, qui ont défrayé la chronique au cours de l'ère de l'année 2010. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans toute la Chine, des grèves plus ou moins dures éclatent sans qu'on en entende jamais parler. Et il n'est pas rare qu'elles se heurtent à la force brutale de la police. Les deux grèves dont on vient de parler ont été les plus visibles, parce qu'elles touchaient des entreprises mondialement connues et qu'elles ont abouti à des fortes augmentations de salaire, environ 20%, qui ont fait boule de neige dans plusieurs provinces chinoises. Ces augmentations ne doivent toutefois pas nous leurrer. Selon les témoignages recueillis par les journaux chinois, elles ont été partiellement épongées par l'accélération des cadences et elles seront bientôt réduites à néant par l'inflation galopante qui sévit actuellement. L'Occident bien-pensant s'est longtemps bercé de l'idée que le développement fulgurant de la Chine est bénéfique, car il finira par entraîner la démocratisation du régime. Là encore, il faut déchanter. Le boom économique n'a été possible que grâce à l'existence de régimes autoritaires hérités de la période maoïste, qui a permis d'imposer les conditions de travail et de rémunération évoquées plus haut. Et pour que la croissance se poursuive, au même rythme, le pouvoir n'a pas d'autre solution que de maintenir à tout prix sa pointe de fer sur les masses prolétarisées. Les idéologues du régime se félicitent même de l'excellence du système socialiste, qui aurait démontré qu'il était tout aussi adapté à l'économie planifiée des débuts qu'à l'économie de marché actuelle. Même si de vagues tendances pseudo-démocratiques se dessinent au sein du parti, il y a peu de chances que le régime change de son propre mouvement. Les profits gigantesques que les patrons et les bureaucrates en retirent, et avec eux l'immense classe moyenne que le développement a fait naître et qui s'accommode parfaitement de l'autorité, interdisent que le régime s'assouplisse, même partiellement. Cela signifie-t-il que cette forme d'exploitation et l'inondation des marchés par la camelote qu'elle produit et que nous consommons va durer éternellement ? Certes non. Mais si le système doit évoluer, voire disparaître, ce sera seulement parce que les masses chinoises dominées, dont les migrants constituent actuellement la frange la plus indocile, auront décidé que les choses doivent changer. Voilà, petit souci technique, ça arrive de temps en temps. Vous êtes toujours sur Radio Alib 87.7 et on va s'écouter les Sales Majestés. Ah, on va s'écouter et le Blanc Bec. C'est parti. T'as fait tous les mois, t'as fait tout ça. lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Carvé toute la semaine. Y'a pas assez de fric. T'as ta belle carte à pointer, mais que dalle. J'avais que trois copains en poche, je me dis bon Dieu que c'est moche. Car le pack de chrome vaut bien quatre de plus. Cette fois je l'ai bien dans le cul. Hey, t'as fait toute la semaine. T'as fait tous les mois. T'as fait toute l'année. T'as fait toute l'année. Ah, si bien décidé de me déraciner. Dans quel autre quartier je me suis déplacé. Pas bien beau pour l'embauche, j'ai dû bien m'embaumer. Car mon seul et unique CD s'est fourré. Quoi fumé. T'as fait tout de la semaine. T'as fait tout de la semaine. T'as fait tous les mois. T'as fait tout de l'année. Me voilà devant le trompa qui ne perd pas la sole. Il me dit que ici, tu bouges pas toi. Allez, c'est t'as que ça. Plus tard on discutera. Je me suis badaté la tête et je me suis cassé là. Hey, t'as fait tout ça, t'as fait toute la semaine. T'as fait tout ça, tous les mois. T'as fait tout ça, t'as fait toute l'année. T'as fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. T'as remis sur le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. T'as fait toute la semaine. Le spécial dédicace à l'homme qu'on appelle Tapage. Oui, je tape au PTT. Au PTT, PTT, PTT comme un petit bébé. Toute la journée tu ne penses pas, tu ne fais que glander. Sur la pendule t'as les deux yeux complètement rivés. Tu te fais tellement chevauter comme une nocodichée. T'en dis si bien qu'à la fin tu rêves de te faire jeter. Alors, alors, alors. J'ai mis les jambes à mon cou, je suis pas quelqu'un, je suis pas fan de ces pires. Je t'ai claqué, voici la moralité. Hey, quoi que l'on fasse ou que l'on tape, tu bois la tasse, tu prends les baffes. Tu manges ta race, t'es dans la masse. Tu bois la tasse, tu prends les baffes. We'll be right back. C'était Chaos UK No Security sur Radio Libre, Tranche d'Anard, l'émission qui invite la distro de la Pinothèque. No Security, donc sur la sécurité, les vigiles pendant les concerts, c'était assez cocasse. L'autre jour, à la boum de Noël au magasin 4, il y avait juste au moment où ils parlaient sur les matadors qui font leur boulot pendant la Révolution espagnole, il y avait justement le vigile qui était en train de virer des gens et Binam qui se gloussait de cette intervention de vigile sur la scène du magasin 4. C'est assez cocasse dans un concert punk qu'il y ait des vigiles qui doivent faire le service d'ordre. Bref, Chaos UK, juste avant Raymond et les Blancs-Becs. Et là, on fait pas mal de pauses musicales parce qu'on est en train de s'empiffrer de saumon, d'huîtres et de vin blanc et de cava. Parce qu'on est contre Noël, mais on n'est pas contre les bonnes choses. Donc, on se fait plaisir. Et pour ce fait et ça, on va s'écouter les Sales Majestés avec Petit Papa Noël. C'est parti. Sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue, en bas y'a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment, même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Vois-moi une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Noël. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout doux, t'es géant, t'es tout fou. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Au mois d'octobre, on vous parlait des révoltes dans tout le Chili, suite à la hausse du prix des transports. Au mois de novembre, on vous présentait une magnifique revue, Rendez-vous avec Z, sur les mouvements sociaux et la dictature au Chili dans le début des années 70. Ici, je vais juste vous donner l'envie, ou tenter de vous donner l'envie, de lire une revue anarchiste qui s'appelle Avis de tempête. C'est le numéro 23 bis de novembre 2019. Cette revue, elle parle du mouvement social en cours au Chili depuis le mois d'octobre, novembre et décembre. Mais la revue se centre sur le mois d'octobre et du mois de novembre. Et il est plutôt assez intéressante. Donc je vous rappelle un peu des éléments. Le mouvement social d'envergure qui est surgi au Chili au départ de l'augmentation de 30 pesos du prix des transports, et en janvier 2019 le prix avait déjà augmenté de 20 pesos. Bon, cette raclure du ministre de l'économie Juan Andrés Fontaine avait d'ailleurs déclaré que si les usagers voulaient profiter des tarifs moins élevés, ils avaient qu'à se lever plus tôt. Parce qu'au Chili, selon la zone géographique, enfin, à Santiago du Chili, selon la zone géographique et l'heure d'affluence, le prix varie. Chouette. Chouette, chouette. C'est déjà le bang d'aller travailler, mais en plus, il faut chaque fois jouer avec les cours de la bourse et se presser comme une citrouille, comme Cendrillon. Je vous raconte pas la joie. Sans âme et sans armes. Ce mouvement de révolte qui a d'abord surgi chez les étudiants, mais très vite s'est étendu à une très large partie de la population, au-delà de la capitale de Santiago du Chili, s'est bien étendu. Une série de secteurs importants est gérée par le privé, notamment les pensions, la santé, l'éducation, la gestion de l'eau courante, l'électricité. Plus de la moitié des Chiliens vivent avec 540 euros par mois. L'endettement touche 70% des familles. Le prix du transport au Chili, en relation au salaire moyen, est l'un des plus chers au monde. Dans les familles sans trop de thunes, le coût du transport représente 30% des dépenses. Les différences sociales sont très grandes. Au début du mois d'octobre en 2019, et tout au long du mois de novembre et décembre, les révoltes surgissent de partout. S'attaquent à tout ce qui nous aliène et rendent la vie dure. Des bornes de paiement, des tourniquets, de stations de métro sont sabotées et détruites. Des rames de métro et de bus sont incendiées. Les bus sont enflammés et utilisés comme barricades. La population affronte si besoin les carabiniers et les vigiles. Le gigantesque siège de l'ENL, compagnie de gaz et d'électricité, est incendié. L'ENL avait augmenté les tarifs d'électricité de 10,5% en mai 2019. Et en août, ils avaient annoncé l'augmentation de 10%. Des banques sont incendiées, des magasins et des supermarchés sont pillés et brûlés. À Iquique, une manifestation attaque des unités de la 6e division de l'armée, à laquelle elles ont volé un canon de valeur patrimoniale. Des drones et des autopompes, des hélicoptères sont repoussés et mis hors d'usage par les manifestants à coups de laser. Des commissariats sont incendiés et attaqués. C'est un mouvement très important qui se développe au Chili depuis. Le 24 octobre, une grève générale est déclarée et plus d'un million de gens se retrouvent dans les rues de Santiago. Les ouvriers des mines sont en grève. Il faut savoir que le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde. C'est une des plus grandes mobilisations qu'a jamais connue le Chili. Évidemment, l'État chilien n'est pas resté sagement au balcon. Sous l'autorité du président Sebastián Piñera, l'état d'exception a été décrété. C'est l'état d'urgence, le couvre-feu. Les militaires sont dans la rue et ils tabassent, tirent et répriment violemment les manifestants et les manifestantes. Il y a des morts, de nombreux blessés, des personnes arrêtées et disparues. Alors, Avis de tempête, c'est un bulletin anarchiste pour la guerre sociale qui fait une traduction des articles qui ont été publiés au Chili entre octobre et novembre 2019 sur ce qui s'est passé. C'est une mine d'informations très intéressante parce qu'il y a vraiment plein de détails sur comment ça s'est passé. Et puis il y a des réflexions sur notamment qu'est-ce que c'est le transport public, le transport en commun. C'est quoi ? Le fait d'amener sur les lieux de travail des milliers de prolétaires pour aller travailler et le fait que ce mouvement s'est attaqué pour le prix de ce que ça coûtait, mais aussi a détruit cet instrument qui est le propre du capitalisme. En tout cas, c'est intéressant parce que ça ouvre des discussions là-dessus. Et du coup, voilà, il y a à boire et à manger, tout n'est pas à prendre, mais c'est en tout cas une mine d'informations. Est-ce que c'est des gens directement du Chili qui ont écrit ces articles, qui ont été traduits dans cette revue brochure qui est disponible à la Pinothèque. Voilà, moi je vous invite à vous la procurer. Et si jamais vous ne croisez pas d'ici peu, parce que c'est vrai que là on n'a pas de sortie prévue, vous pouvez toujours aller consulter cette brochure, cette revue sur Avis de tempête. Au pluriel .noblog.org et vous pouvez télécharger cette brochure et sinon notre prochaine sortie elle sera disponible. Voilà, et on va s'écouter là-dessus. Sinon, juste avant, vu qu'on n'a pas de prochaine sortie prévue, mais si jamais vous voulez nous inviter à vos fêtes d'anniversaire ou quoi, ou les fêtes de mariage, on vient poser la Pinothèque avec plaisir. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ou à l'arrière des concerts, ou des fêtes de soutien, ou que sais-je. Et pour ce fait et ça, on va s'écouter Todos contra Todos, La Ravachol, un groupe argentin qui reprend un morceau classique, La Ravachol, mais version argentine. Et c'est parti. Vamos a tocar La Ravachol. La Ravachol, pará, que nadie nunca nos deja terminar este tema porque es muy largo. Ravachol era un anarquista francés, como él. Y ponía bombas en los lugares burgueses, como este. No, como este no. Bailemos la Ravachol. Ahora vamos a bailar la Ravachol como en Francia. Ravachol. ¡Bailemos la Ravachol! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Los burgueses van a probar el sabor! ¡Rico sabor! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Los burgueses van a probar el sabor! ¡Sí, señor! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Aguante Ramón Falcón! ¡Aguante Ramón Falcón! Necesito trabajar, pero no quiero sufrir más. El patrón me va a vigilar, pero soy libre para escapar. Libre para morir de hambre, libre para mendigar. Libre para suicidarme, cuando ya no pueda más. No pueda más, no. No puedo más, no, no puedo más. no pueda más. Cuando ya no pueda más, nos pegamos un tiro y se va todo. Me voy a suicidar. No van a poder conmigo. ¡No me atraparán! ¡Yo me atraparé! ¡Yo me voy a matar! Los azules, los que están afuera. ¡Bailemos la Rabachol! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Los burgueses van a probar el sabor! ¡Viva el sabor de la explosión! ¡De la explosión! ¡Bailemos la Rabachol! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Los burgueses van a probar el sabor! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Los burgueses van a probar el sabor! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Bailemos la Rabachol! ¡Viva el sonido de la explosión! ¡Los burgueses van a probar el sabor! ¡Policía asesina! ¡Policía asesina! ¡Policía asesina! ¡Cadáveres, cadáveres! Alors, encore une petite présentation d'un livre toujours paru aux éditions L'Insomniac, « Beau comme une prison qui brûle » de Julius Vandal. Mise en contexte. Dans les premiers jours de juin 1780, le bas peuple de Londres se soulève au cri de « point d'esclavage ». Les caves des dignitaires et les distilleries d'eau de vie sont mises au pillage. Les prisons sont incendiées. La Banque d'Angleterre est assiégée par les furieux. Cette insurrection, sans chef ni doctrine, les hystériens de tous bords l'ont occulté ou calomnié, en espérant de la faire à jamais oublier. En voici une brève narration. Extrait. Des gueux insomniaques et sans avenir ont surgi dans la nuit, déferlant par dizaines de milliers des slums de Whitechapel et de Southwark, des turnes et des asiles de nuit, des ateliers et des docks, des bordels et des tavernes. Ces gens-là se moquent du pape et du roi, des Tories et des Whigs, des rites et de la rente, de l'art de gouverner et de celui de gérer. Ils veulent couper la langue des sermonneurs et dévorer la main qui leur jette les miettes de l'expansion marchande. Ils veulent la suppression des lois et de l'autorité, et que tout soit à tous. Ils veulent voir flamber les bagnes dans une ville désertée par les rupins et les gros bonnets. Ils désirent passionnément la fin de l'ordre des choses. Ils brûlent de réaliser le vieux rêve de Cocagne des grandes insurrections londoniennes. Voir enfin les fontaines publiques pisser du vin clairé. Tout ce beau monde se répand dans les rues avec une mobilité inouïe, se sépare et se rejoint, se concentre et s'égaille, au gré de l'inspiration. L'insurrection ne s'enferme pas derrière les barricades ou dans les côtés ouvriers. Elle parcourt la métropole en bande itinérante qui glane des renforts partout où elle se montre. Au lent défilé massif, elle préfère l'éparpillement, la dérive et le pas de course. Ne cherchant pas à s'emparer du pouvoir mais à le dissoudre, en rendant caduque toute autorité, tout privilège de caste. Elle choisit ses cibles en fonction de leur proximité psychogéographique. Compte à régler, riche demeure à piller, symbole de l'esclavage à démolir. Elle ne cherche ni à livrer bataille, ni à militariser l'affrontement. Par son omniprésence et sa vivacité, elle vise l'anéantissement de toutes les séparations. Elle bannit et humilie ses ennemis, abolit les bibelots du passé, mais guerre ne tue ni ne capture. Liée à l'absence de discipline et de coordination, l'impossibilité d'une stratégie se révèle être brièvement un atout pour cette insurrection ubiquiste. Les faibles troupes présentes poursuivent mollement les cohortes d'émeutiers sans jamais oser les rattraper. Les rares patrouilles de police qui sillonnent les quartiers, l'époque est encore au châtiment plus qu'à la surveillance, sont contraintes de détaler ou de fraterniser face au nombre et à la détermination des exaltés. À Bloomsbury Square, c'est la maison de Lord Justice, Lord Mansfield, qui fait l'objet de l'attention d'un fort parti des métiers. lesquels commencent par brûler dans la rue les meubles, tableaux, livres, manuscrits, documents, enfin tout ce qui peut se consumer dans la maison de son excellence. C'est d'un détachement des captifs de Newgate et de leur libérateur qui, brandissant la corde destinée à pendre son excellence, est venu accomplir en toute logique cette œuvre salutaire, devant 300 soldats impuissants ou complaisants. Or, ce William Murray, comte de Mansfield et plus haut magistrat du royaume, est un légiste fort influent qui a œuvré à adapter le droit anglais aux besoins du négoce et de la manufacture, en rédigeant notamment des lois sur l'assurance et l'affrètement. Il a par ailleurs personnellement envoyé 102 personnes à la potence et 448 autres à la déportation. Il a en outre fait marquer au fer rouge 29 félons. Les chevaux de frise qui coiffent les hauts murs des prisons du royaume sont appelés dans le langage des gueux les dents de Lord Mansfield, ce qui en dit long sur la popularité du personnage. Dès le premier assaut des émeutiers, il file par la porte de derrière et va se placer sous la protection de la troupe. Alors que Londres est la proie du pillage et du vandalisme, on ne compte qu'une seule salve tirée par la soldatesque cette nuit-là. En application de la loi sur l'émeute, un magistrat donne finalement, il est 3h30 du matin, l'ordre de tirer aux gardes, à Bloomsbury Square, mais la moitié des soldats présents refusent d'obéir, et presque tous les autres dirigent leurs armes vers le ciel. La foule est si compacte qu'on y relève quand même 5 morts et 7 blessés. Jugeant ces hommes peu sûrs et craignant des représailles de la canaille, qui se replie sans panique, le colonel de la garde ordonne à son peloton de faire retraite. Un quart d'heure plus tard, les émeutiers sont de retour, équipés de cordes gaudronnées, de seaux remplis d'essence, de térébenthine, de caisses bourrées de copeaux de bois. En quelques minutes, ils incendient la maison elle-même, si bien qu'il n'en resta plus rien hormis les murs, lesquels furent trouvés le lendemain aussi chauds que braises, de par la violence des flammes et ne présentant plus aux yeux du passant qu'un spectacle de ruines, de désolation et d'horreur. L'archevêque de York occupe la demeure voisine de celle de Lord Mansfield. Un jeune libertin nommé Henry Mascal exhorte les émeutiers à lui faire son affaire. Tandis que sa maison est saccagée, le prélat s'enfuit à vive allure dans sa calèche, n'échappant que d'extrême justesse à la foule qui brandit en guise de drapeau le corps d'une femme tuée par les soldats. L'archevêque de Canterbury, premier personnage de l'église anglicane, est également assiégé dans son palais de Lambeth, et 500 soldats ne sont pas de trop pour repousser les acharnés qui ont juré de retirer vif cette haute figure du protestantisme d'État. Il est 5 heures du matin. L'ombre de la nuit se dissipe. Le ciel est rouge. Les premières lueurs rosées de l'aube se mêlent aux reflets écarlates des 120 incendies qui illuminent la ville. Les rues, les esplanades, les bâtiments baignent dans une lumière irréelle. Cet éclairage satanique, glauque et incandescent, ce ciel d'apocalypse augmente l'effroi des possédants qui filent par milliers se réfugier dans leur manoir de campagne ou dans leur domaine. Ils sont plus nombreux à fuir Londres que lors de la grande peste de 1665. A l'inverse, pour William Blake et ses camarades enragés, pour les commères de la halle et les compères des ateliers, pour les gosses en haillons des ruelles, cette horreur magique et cette luminosité fantastique semblent annoncer l'accomplissement de l'impossible. Point de maître aux hommes et point de serrure aux portes. Les prélats et les seigneurs livrés en pâture au port, en vertu du vieux proverbe « Cochon d'aujourd'hui sera demain jambon ». De grands bals tous les soirs dans les rues et les bois, au son de l'orchestre. Les antres de la religion consacrée à Vénus et à Bacchus, les étangs de bière bien mousseuses dans les parcs, et 100 000 autres innovations intéressantes et nécessaires à l'enrichissement de la vie. Ah! like to riot, riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. You like to riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. You like to riot. All past the covers all over the world. You put on that riot gear and bring that plastic bullets. Original mad rock to ape on your face, man. Nice and black and blue, alright. Our sticks and stones will break them bodies' bones. We'll break the pain, we'll burn them down and fuck them up, yes, I. Some people like them discipline, law and order, but I like to riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. You like to riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. You like to riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. You like to riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. I like to riot, riot. You like to riot. Usual Suspect, Riot. Et tout de suite, on va s'écouter Gliva No Pasaran, un groupe yougoslave des années 80, un groupe punk, post-punk des années 80. Il y a eu pas mal de groupes du côté de l'ex-Yougoslavie. Et on s'écoute ça pour... Et on dédicace on dédicace cette émission et ces morceaux à tous les gens qui résistent par-ci et par-là. Les sans-papiers qui sont ici et partout dans le monde, et les copains et les copines qui ne sont pas sous les projecteurs et qui se bougent pour résister à leurs conditions. C'est parti, No Pasaran, Gliva. We'll be right back. de progrès, mais le monde a besoin de soldats. Je vends de l'armement à moi, les blagues, les discours à vous, les éclats de venal. On y a des nouvelles idées, percer vos globules. Pendant tant que tu dirais soldat que vos emballes peuvent te dire, serait pas de mal à une bouche, je ne suis pas franchement cruel. Pourtant vos cauchemars ne m'empêchent pas de dormir. Loin de mes yeux, loin de mon cœur, vous périssez, vous pourrissez chacun de vos cadavres, ajoute à ma prospérité. Bien dans, vous êtes toujours sur 87.7 Radio Air Libre dans l'émission de la Pinothèque. On est toujours ravis d'accueillir les gens de Tranche des Nards. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour plein d'émissions de folie. Avec la Distro La Pinothèque, avec Tranche de Nana. Donc, le dernier mercredi de chaque mois, sur le 87.7, vous pouvez avoir les informations sur le site de Radio Air Libre ou sur le site de Tranche de Nard ou sur le blog des Lapins Électriques, blogspot.com, pour toutes les informations. Et je passe la parole à Nicole qui va nous faire un mini-agenda. Un mini, oui, vraiment mini, hein. Et puis après, on vous fait plein de bras d'honneur et on continue à manger plein d'huîtres et à manger plein de saloperies. Parce qu'on n'aime pas Noël, mais quand même, on aime bien les saloperies sans mettre plein dans les poches. Oui, c'est vraiment un mini-agenda. Et en plus, l'événement dont je vais vous parler aura lieu après le 1er janvier, donc le mardi 7 janvier, mais c'est quand même important. C'est un appel de deux militants actifs du comité des travailleurs migrants sans papiers de la CSC à Villevorde, qui en février 2018 avaient été arrêtés dans les locaux de la SBL Global Roma avant que certains d'entre eux ne soient emmenés en centre fermé. Une convention précaire entre la commune d'Ixelles et l'AIS comme chez toi permettait à ces deux personnes d'avoir un toit et le contrat a pris fin au 30 novembre. Des associations acceptent de se porter garantes pour mettre en place une nouvelle convention d'occupation avec les pouvoirs publics. Des demandes de soutien ont été envoyées aux représentants politiques communaux et régionaux. À ce jour, il n'y a pas eu de solution pour éviter d'être expulsés et de se retrouver en rue et d'être à la merci des autorités. Après toutes ces épreuves et alors que nous commencions à nous reconstruire, nous ne pouvons pas croire que la représentation politique progressiste nous fasse revenir en arrière, revivre le passé. Nous ne voulons pas plus de ce quotidien, fait de peur, de rejet et de souffrance. Notre détermination à nous construire un autre horizon est intacte pour nous et pour tous les autres publics exclus avec ou sans papier. On vit ici, on bosse ici, on reste ici, mais pas sans droit. Donc il y a un grand rassemblement qui doit avoir lieu le mardi 7 janvier à 15h devant la commune d'Ixelles. Voilà, et c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des sans-papiers qui en ont marre. Voilà, il n'y a plus de solution, ils sont toujours à la merci de n'importe qui, de la police, des contrôles, et ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, j'ai appris aujourd'hui. Il y a eu une annulation par le Conseil d'État d'un arrêté royal qui permettait à l'Office des étrangers de réclamer des redevances pour les gens qui demandaient une régularisation 9 bis ou pour un regroupement familial. cette redevance se montait à 350 euros par personne pour la régulation 9 bis et à 200 euros pour le regroupement familial. Et cet arrêté royal a été annulé par le Conseil d'État. Donc il est possible que les sans-papiers qui auraient versé cette somme puissent être remboursés. Ça, c'est hyper important. Donc il y a le 10 février, il y a une information qui va avoir lieu à Voyage, qui est une association qui s'occupe des sans-papiers. Et on demande aux personnes qui auraient payé ces sommes d'arriver avec leurs preuves de paiement, plusieurs papiers. Donc il faut qu'ils se renseignent au niveau de Voyage, qui se trouve 54 rue d'Ophem, à 1000 Bruxelles. Lors des permanences socio-juridiques, ou même pendant les périodes d'accueil, qui sont le lundi de 9h à 12h30, et le jeudi également de 9h à 12h30, et les permanences socio-juridiques ont lieu de 13h30 à 16h30. Voilà. En tout cas, bonne fin d'année à tous. Et un joyeux bordel. Et un joyeux bordel. Il n'y a pas le concert de Captain Blue ? Ah, le 28, c'est le 28... Au magasin 4. Magasin 4, le 28 décembre. Juste une spéciale promotion, Captain Igloo, c'est du copinage éhonté. Mais n'hésitez pas à venir, ça va être très bien. Parce qu'il y a d'autres groupes, des volontaires du magasin 4 qui vont jouer. Il y a Monsieur Marcaille, il y a plein d'autres groupes dont j'ai oublié le nom, mais ça avait l'air air compresseur. Plutôt sympathique. C'est tout, c'est fini, c'est la fin. Bah oui, c'est la fin. Allez, voilà. Cassez-vous. En tout cas, on est pile à l'heure, hein, 22h03. 22h30, comme prévu. 22h03. 23. Commencé à l'heure aussi. On a presque commencé. Et pour la distro. Il faut dire qu'on a trouvé une place avec Serge tout de suite, alors c'est pour ça. Pour la Lapinothèque et pour la tranche d'anard, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Pour continuer à se faire chier, compter des salades. Une tranche d'anard, une tranche de lapin. C'est parti. Allez. C'est la bonne passante. À bientôt. À bientôt. Ciao.